C'était Yabasta avec FTP de leur album Toujours Debout. Bonjour tout le monde, vous écoutez Sous Pression aux ondes CHRY 105.5 FM à Toronto. Et si vous êtes à Yellowknife, vous nous écoutez à partir du 103.5 FM, le CIVA, la radio Taiga. L'émission s'appelle Sous Pression et moi je m'appelle Mathieu et je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vous fais jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. On a commencé l'émission, comme j'ai mentionné, avec Yabasta, de leur album Toujours Debout. C'est les deux premiers morceaux de cet album-là. En fait, la chanson Toujours Debout et la chanson FTP, franc-tireur partisan. Le texte de Toujours Debout, bien sûr, tiré de un texte publié par Yves Perra, un militant antifasciste du sud de la France, si je ne me trompe pas, qui entreprit des actions directes contre les mouvements fascistes en France lors des années 90 et qui, je crois qu'il a passé 7 ans en prison pour ses actions, ses actes antifascistes qui ont essayé pour empêcher des concerts, des rassemblements, des actions contre les locaux du Parti Front National, le FN, le Front National. Alors, c'était ça pour commencer l'émission. On commence bien avec une petite, sur un air, sur un pied antifasciste. On commence bien l'émission, c'est toujours bien pour commencer de même. Je continue avec un groupe que j'ai découvert récemment qui vient du nord de la France, alors de l'autre côté du pays, de Lille plus précisément, le groupe Larcin. C'est un groupe que j'ai découvert récemment. Leur démo est disponible à partir de leur site web gratuitement. Vous pouvez l'écouter à partir du site web ou le télécharger. Et je vais vous donner un peu plus d'informations sur le site web un peu plus tard dans l'émission. C'est ça, c'est un démo de 5 titres, d'un groupe de Oi, de punk un peu, de Lille, du nord de la France. Lille, c'est une belle ville, j'ai eu la chance d'habiter là pendant plusieurs mois, il y a 5 ans, presque 6 ans. En fait, Larcin composé de membres de d'autres groupes, d'anciens groupes. Et, en fait, j'en connais juste un du groupe... composé d'anciens membres du groupe Operation Itchit, ou pas, comme on dirait de traduction Opération Mange Caca. Et c'est un groupe que j'ai eu la chance de voir quand j'étais à Lille, quand j'étais en France, le bon groupe de hardcore. Alors là, je pense le batteur viennais est membre de ce groupe-là. Je me trompe peut-être, c'est ce que j'ai pu constater d'après les critiques, d'après ce que j'ai lu sur l'internet. Mais en tout cas, j'ai arrêté de parler, là. Vous n'êtes pas ici pour m'écouter parler. Je vais faire jouer la chanson Larcin de leur démo, sortie par le groupe Larcin, sortie l'année passée. Alors voici, c'est ça, voici Larcin ici à Sous Pression. Dans les... je l'ai vu quand il coupait du bois. Son regard plein de haine m'avait rempli d'effroi. Cet homme est dangereux, il peut devenir violent. Il se promène en ville et fait peur aux passants. Il a le cri dans le sang, ça a été prouvé. Il a le cri dans le sang et on doit l'enfermer. Hey, il n'a jamais commis de crime et sa peau est trop foncée à cause de ses ancêtres. C'est un meurtrier, une balle dans la nuque. Pour plus de sûreté, il avait le cri dans le sang. On est intervenu à temps. Il a le cri dans le sang, ça a été prouvé. Il a le cri dans le sang et on doit l'enfermer. Hey, tu es trop jeune, tu ne connais rien. Tu es trop vieux, tu ne vaux plus rien. C'était, on vient d'écouter Amnésie avec Pas de l'heure ici à Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVA 103.5 FM à Yellowknife. Avant ça, on écoutait du Banlieue Rouge, Le Crime dans le sang de leur premier album studio. En attendant demain, on a commencé le bloc avec Larcin, leur chanson Larcin, tirée de leur démo sortie l'année passée, en 2011. Et le site web, je vous dis que je vous donnerai des détails sur le site web de Larcin parce que leur démo est disponible en ligne à partir de leur site web. C'est le Larcin, larcin.rabeta, c'est le R-A-A-H-B-E-T-A. .net. Alors, larcin.rabeta.net. Mais je vais vous procurer un lien vers le site de Larcin à partir du site web de Sous Pression. C'est le www.souspression.wordpress.com. Je vais vous donner un peu plus d'informations là-dessus un peu plus tard dans l'émission. Et en parlant de site web, je vais vous faire jouer une chanson par un autre groupe français qui devrait sortir quelque chose. Un peu bientôt, le groupe Streets of Rage, qui a sorti leur démo, leur album Level 1 l'année passée, qui est aussi disponible à partir de leur site web. Alors c'est Streets of Rage, streetsofragenancy.blogspot.com. Vous pouvez télécharger leur album Level 1 à partir de ce site web-là. C'est un excellent album en passant, je vous le recommande très fortement. Ils ont mis sur leur site web une chanson. Une nouvelle chanson qui n'est pas sur leur démo, mais que j'imagine va sortir bientôt sur leur... ils vont faire un split avec de 45 tours, un split avec Enraged Minority, si je ne me trompe pas le nom du groupe, qui je présume sortira bientôt. J'ai bien hâte d'entendre ça, mais ils ont une chanson sur leur site web et je vais faire jouer cette chanson-là. La chanson s'appelle Stay Rude. C'est une bonne chanson. Je suis certain que vous allez aimer ça. Et alors c'est ça, je continue avec du Streets of Rage. Après ça, je vais faire jouer la gâchette Enfile tes bottes. Et en parlant de bottes, la semelle sur ma botte, elle commence à s'enlever. C'est une nouvelle paire de bottes. Je les ai eues, ça fait même pas un mois que je les porte. Puis là, la semelle, elle commence à s'enlever. Puis je suis vraiment, vraiment, vraiment déçu. Alors, mais c'est pas votre problème, c'est mon problème. Alors, c'est moi qui va s'arranger avec. Je vais bouder, puis je vais me plaindre très fortement dans le studio pendant que je fais jouer du Streets of Rage et de la gâchette. Alors, voici Streets of Rage, leur nouvelle chanson Stay Rude, ici à Sous Pression. Salut, vous êtes toujours à l'écoute de Sous Pression, zone CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. On vient d'écouter du Asile, le groupe d'Ottawa, la chanson Soldat, le groupe Asile. Je viens d'Ottawa, j'ai jamais eu la chance de les voir en concert. Je pense qu'ils se sont formés un peu après que je suis parti d'Ottawa. Ça fait 2 ans et demi là, maintenant que je suis à Toronto. Et merci. En tout cas, c'est un excellent groupe. Je sais pas s'ils ont sorti quelque chose d'un peu plus long. J'ai juste deux de leurs chansons que j'ai tirées d'Internet à partir de leur site web. Ils ont offert des chansons qu'on peut télécharger à partir de leur site web. En tout cas, c'est ça. Avant, Asile, on écoutait du Défaillance de leur album Vive Punk ou Mourir, leur chanson Ian Stewart, leur chanson pour un peu faire caca sur la tombe de ce néo-nazi bien connu en Europe, en Angleterre et un peu partout dans le monde. Malheureusement, Ubiqui, heureusement, n'est plus disponible pour répandre sa diarrhée verbale et mentale raciste. En tout cas, la gâchette avança avec Enfile tes bottes et on a commencé le bloc avec du Streets of Rage, le groupe de hardcore français et non le jeu vidéo des années 80 ou 90, là. Excellent jeu vidéo en passant, mais excellent groupe. La chanson Stay Rude, une nouvelle chanson qu'ils ont mise sur leur site web que je suis pas certain à 100%, là, mais je présume sera sur leur split avec Enraged de Minority ou le split qu'ils vont sortir de 45 tours, qu'ils vont sortir bientôt. Alors c'est ça, on est rendu à mi-chemin de l'émission, il est temps que je vous rappelle, comme je fais à chaque semaine, que l'émission a un site web, c'est le www.souspression.wordpress.com, le www.souspression.wordpress.com. Vous pouvez télécharger l'émission à partir du site web gratuitement à chaque semaine. Et il y a aussi, bien sûr, des archives un peu de l'émission. Vous pouvez écouter les émissions des semaines passées, allant jusqu'à, je pense, peut-être au mois de juillet environ, ou l'été 2010, quand l'émission a commencé. Alors, c'est vrai, une vraie archive. En tant que quelqu'un qui s'intéresse à l'histoire, je peux bien apprécier l'effort fait par moi pour faire une espèce d'archive de l'émission. Alors c'est ça, allez visiter ça, le www.souspression.wordpress.com. On a aussi une présence sur Facebook, c'est le facebook.com/souspression. Vous pouvez aller sur, si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aimer l'émission et vous tenir au courant de ce qui se passe avec l'émission et aussi les nouvelles du monde du punk sky hardcore francophone. Finalement, vous pouvez nous rejoindre avec le courriel, presque tout le monde a un courriel ces jours-ci, souspression@commercial.chry.fm, le souspression@commercial.chry.fm. Si vous avez des demandes spéciales, des plaintes même, des commentaires, si vous faites partie d'un groupe, vous voulez partager votre musique, croyez que votre musique aurait une bonne place ici à Sous Pression, envoyez-nous un courriel et on s'arrangera de quoi. Alors, c'est ça ma petite annonce que je fais chaque semaine dans le milieu de l'émission. Je continue en musique avec, qu'est-ce que j'ai préparé là? Ouais, le groupe Mauvaise Graine, un groupe français. Leur album Interdit Pensé est disponible à partir de leur site web. Il y a bien des groupes qui font ça ces jours-ci. C'est très bien apprécié. En tant que quelqu'un qui anime une émission de punk francophone dans un milieu anglophone, c'est bien apprécié quand les groupes mettent leur musique disponible à partir de leur site web. Et aussi du côté du principe aussi. C'est très DIY puis c'est fantastique. Alors c'est ça, Interdit Pensé, l'album par Mauvaise Graine. Je vais faire jouer la deuxième chanson de cet album-là. La chanson s'appelle « Pas de fasciste » et je vais faire une dédicace. Je sais que j'ai un ami à Ottawa, Ashton, qui écoute en ce moment. Cette chanson est pour lui parce que c'est un grand antifasciste et qui a au moins tenté d'organiser un événement à Ottawa contre le fascisme l'année passée. Alors cette chanson est pour lui. « Pas de fasciste » par Mauvaise Graine ici à Sous Pression. We'll be right back. chaussures paramilitaires et quelque soit la saison, les dégâts pour la nation. On était comme en hiver, pas comme les deux des rentières. Et quelle que soit la saison, chaussures pour moi en chicot. Enfant du chaos, en cuir, en rondio, une crête sur la tête, punk et merdelette. Allez, allez.

doute pas encore que l'action n'est pas dans sa voie. C'était Guarapita avec OQTF, leur album Politiqueria sorti en 2010. Vous écoutez toujours Sous Pression, zone CHY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Notre temps ensemble tire malheureusement à sa fin, mais on a juste assez de temps pour faire un petit retour sur les chansons qu'on a écoutées dans le dernier bloc. Alors, on a commencé avec... qu'est-ce qu'on a commencé avec? Mauvaise graine, la chanson Pas de fasciste de leur album Interdit de passer. Dirty Floyd, après ça, avec Enfant du chaos de leur album Génération perdue. Les sorties avec Il faudra bien qu'un jour tout change. Du Corrigan Fest, après ça, avec La victoire en chantant, cette chanson-là, tirée de leur album du même titre, La victoire en chantant, un groupe composé avec quelques anciens membres de Banlieue Rouge. Le groupe n'existe malheureusement plus, mais ont pu produire un excellent album de... C'est du musique, la musique qui est populaire ces jours-ci, là, du punk, celtique, folklorique un peu. Et cette chanson-là parle un peu des Canadiens qui sont allés en Espagne, les brigadistes internationales qui sont allés en Espagne par partie des brigades internationales pendant la Révolution espagnole et la guerre civile de 1936 à 1939, plus particulièrement les Canadiens qui ont fait partie du Mackenzie. Du bataillon Mackenzie-Papineau. Et en parlant de ça, ça m'a fait penser, j'ai lu dans les nouvelles l'autre jour que le dernier combattant du bataillon Mackenzie-Papineau s'appelle Jules Paiveau, 90 quelque chose comme 94, 96 ans. Puis, mais toujours en vie et habite pas loin d'ici de Toronto. Alors, je sais pas s'il écoute. S'il écoute, merci beaucoup. Il a reçu récemment la citoyenneté espagnole. Le gouvernement espagnol lui a donné la citoyenneté espagnole pour son rôle dans la révolution et dans la guerre civile. Alors c'est ça. Après Corgan Fest, on a écouté l'équipe, la chanson Forfait de Déclarer Forfait. Et on a terminé avec Guarapita et OQTF, l'album Politiqueria. Alors, en même temps, pour une dernière chanson, je vais vous faire jouer le premier morceau de leur album La Victoire Sommeil. Le morceau s'appelle La Victoire Sommeil. Alors, je vous laisse avec ça, du Jeunesse et Patride. Prenez soin de vous. Nous autres, on se revoit la semaine prochaine. N'oubliez pas d'aller voir visiter le www.souspression.wordpress.com. Passez une excellente semaine. À la prochaine.